tu es dans le garage. Tu m'as abandonné, homme, comme un soulier chez cordonnier. Tu t'en fous de moi, chéri, je suis devenu rideau de la maison. Oyo sonio, ombe kani kirimba. Pitié des sentiments d'autrui. Les pagailleurs, ils sont là toujours pour saboter. Que va moi noyoye, bombe canyé, kirimba. Les jaloux n'ont pas pitié des sentiments d'autrui. Les pagailleurs, ils sont là toujours pour saboter. Que ba mono yo e, bombe kanye, kirimba. Boti ke langaye, je compte l'amour kole kole. Boti ke langaye, chez moi l'amour dona dona. Ma kirimba, ah ah. Et moi je compte à lui, lui aussi il compte à moi. Toujours inséparable, oh pour toute la vida. Botique la gaillé, je compte à l'amour collé collé. Botique la gaillé, chez moi l'amour donna donna. Ma kirimba, ah ah. On peut tout fomenter, même tout inventer. Et moi je compte à lui, lui aussi il compte à moi. Toujours inséparable, oh pour toute la vida. weto weto e Joni Banzulu Zayoka Wabaka mukaza kala kwa kumakoko Wenda yende patu Baka mukaza.